Chapitre 11e, Monsieur Marchmont garde ses coups de fouet. Tout le comté, ou du moins toute cette partie du comté qui se trouvait dans un certain rayon de Marchmont Towers, attendait avec inquiétude que Monsieur Paul Marchmont adoptât quelque parti. L'affaire des coups de fouet avait donné du piquant, de la saveur, et une teinte de ce qu'il est de mode aujourd'hui d'appeler « sensation » au couronnement du déjeuner de chasse. La rosée administrée au pauvre Paul avait été plus appétissante et avait mieux senti son terroir que les meilleures olives du monde, et ses convives s'attendaient à une excitation et à une sensation bien plus grande encore avant que l'affaire fût terminée. Évidemment, Paul Marchmont ferait quelque chose. Il fallait qu'il se remuât, et le plus tôt serait le mieux. Tout devait s'expliquer. On comptait savoir la cause de l'inimitié d'Edward Arundel, et assurément le nouveau maître des Towers choisirait les moyens convenables pour se relever aux yeux de ses connaissances influentes, de ses fermiers et de ses domestiques, surtout s'il se proposait de se porter comme candidat de Swampington aux prochaines élections générales. C'était là ce que les gens se disaient entre eux. La scène du déjeuner de chasse était un sujet de conversation des plus fertiles. Elle valait presque autant qu'un meurtre populaire et fournissait ad libitum des paragraphes scandaleux aux journaux de province dont les articles commençaient pour la plupart en ces termes « Il est de notoriété publique » ou bien « Nous avons entendu dire » ou « Rochefoucauld observait que » Chacun espérait que Paul Marchmont écrirait aux journaux, qu'Edward Arundel lui répondrait par la même voie et que tout au moins une polémique émouvante s'engagerait au moyen de l'encre d'imprimerie. Mais aucune ligne écrite par l'un ou l'autre de ces gentlemen ne parut dans aucun des journaux du comté, et peu à peu les gens furent forcés de reconnaître qu'il ne résulterait plus d'autres amusements des coups de fouet de Paul et que le maître des Towers avait l'intention de prendre la chose du mauvais côté et de digérer tranquillement l'outrage en ayant soin de ne laisser voir à personne les grimaces qu'il faisait pendant l'opération. Oui, Paul Marchmont laissa tomber l'affaire. Le bruit circula qu'il était très malade et qu'il avait une fièvre cérébrale, qu'il avait fait délirer constamment jusqu'au moment où M. Arundel avait quitté le comté. Ce bruit fut propagé par M. Weston, le médecin, et comme il était la seule personne reçue chez son beau-frère, il fut impossible de contredire son assertion. Les squires chasseurs haussèrent les épaules et je regrette de dire que les épithètes chien couchant, roquet, lâche, gredin furent plus souvent appliquées à M. Marchmont que ne l'exigeaient les sentiments chrétiens des gentlemen qui les prononçaient. Mais un homme qui peut digérer une bonne rossée administrée sur le seuil de sa porte a maille à partir avec les préjugés de la société et doit subir les conséquences qu'entraînent pour lui des idées trop avancées pour son siècle. Tandis que ses nouveaux voisins parlaient de lui, Paul Marchmont était couché dans sa chambre splendide où les jeunes garçons et les jeunes filles de la tapisserie le regardaient toute la journée et lui souriaient sempiternellement avec leurs figures immuables. À la longue, il se lassa de cette contemplation et commença à se dégoûter de cette grandeur nouvelle qui l'avait tant charmé naguère. Il ne rit plus au souvenir de son pauvre logement de Charlotte Street. Il rêva une nuit qu'il était de retour dans sa vieille chambre à coucher avec les meubles en bois blanc peint et l'huile de papier sur les murs, et que les magnificences de Marchmont Towers n'avaient été qu'une vision fiévreuse, et il était bien aise de se retrouver dans cet endroit familier. Il fut désolé en s'éveillant de voir que Marchmont Towers était une splendide réalité. Il n'y avait qu'une légère marque rouge sur ses épaules, car la rossée n'avait pas été brutale. C'était la honte qu'Edward Arundel voulait lui infliger, et non la douleur physique, cette punition vulgaire que s'attire le cheval rétif de la part de son maître. La lanière du fouet de chasse n'avait pas fait grand mal à l'artiste, mais elle lui avait ravi son titre d'homme, comme la faucille fauche les fleurs dans un champ de blé. Il ne pourrait plus relever la tête. La pensée de sa première sortie de chez lui et de l'horreur qu'il éprouverait à se retrouver en présence de ses voisins lui faisait autant de peur que doit en faire au criminel condamné l'idée de quitter sa prison pour aller à l'échafaud. « J'irai à l'étranger, » dit-il à sa mère, quand il fit son apparition dans le salon occidental une semaine après le départ d'Edward. « J'irai sur le continent, ma mère. Cette maison m'est devenue odieuse depuis l'attaque de ce sauvage l'autre jour. » Mrs. Marchmont soupira. « Cela me semblera dur de vous perdre, Paul, maintenant que vous êtes riche. Vous avez été si fidèle pendant la pauvreté, et nous pourrions être si heureux ensemble à présent. » L'artiste se promenait de long en large dans la chambre, les mains dans les poches de son habit de velours à côtes. Il savait que dans le costume de convention d'un gentleman bien élevé, il figurait à son désavantage parmi les autres hommes, et il affectait un genre de toilette pittoresque et artistique, dont les couleurs plus brillantes et la coupe relâchée faisaient ressortir sa pâle figure et donnaient de la grâce à sa figure maigre. « Vous croyez donc que cela vaut quelque chose, ma mère ? » dit-il tout à coup, moitié agenouillé, moitié allongé dans un grand fauteuil près de la table où sa mère était assise. « Vous croyez que notre argent est bon à quelque chose pour nous ? Toutes ces chaises et ces tables, cette grande maison irrégulière, les domestiques qui nous servent, les voitures à notre usage ont bien leur prix, n'est-ce pas ? Tout cela nous rend plus heureux, je pense. Je sais que j'ai toujours pensé, quand j'étais pauvre, que ces objets constituaient le bonheur. J'ai vu un corbillard s'éloigner de la porte d'un homme riche, emportant sa femme chérie ou son fils unique peut-être, et je me suis dit « Ah, mais il a 40 000 livres par an. Vous êtes plus heureuse ici que dans Charlotte Street, n'est-ce pas, ma mère ?» Mrs. Marchmont était française de naissance, quoiqu'elle eût vécu assez longtemps à Londres pour devenir anglaise. Elle ne conservait qu'un léger accent de sa langue maternelle et beaucoup plus de vivacité dans le regard et le geste qu'il en existe d'ordinaire chez les Anglaises. Sa fille aînée était assise de l'autre côté du large foyer. Elle ressemblait à Lavinia Weston, seulement elle était plus calme et plus vieille. « Si je suis plus heureuse ?» s'écria Mrs. Marchmont. « Avez-vous besoin de m'adresser cette question, Paul ? Mais ce n'est pas tant pour moi que pour vous que j'apprécie toute cette grandeur. » Elle tendit sa longue main maigre qui était chargée de bagues, quelques-unes antiques et comparativement sans valeur, d'autres récemment achetées par son fils dévoué et très précieuses. L'artiste prit les doigts amaigris dans les siens et les porta à ses lèvres. « Je suis très content de vous avoir rendu heureuse, ma mère, » dit-il. « C'est quelque chose de gagné, en tout cas. » Il s'éloigna de la cheminée et circula dans la chambre, s'arrêtant de temps en temps pour regarder le ciel d'hiver ou la vaste étendue de la pelouse. Mais il n'était plus du tout le même homme qu'avant sa rencontre avec Edward Arundel. Les chaises et les tables ne faisaient plus d'effet sur lui. L'épais velours des nouveaux tapis lui semblait être un morceau de terrain marécageux. Les draperies vert sombre en velours de gêne paraissaient noires à mesure que le crépuscule augmentait et avaient l'air d'avoir été taillées dans un drap mortuaire. À quoi lui servait-elle cette belle maison avec la vaste plaine devant d'elle ? À rien, s'il avait perdu le respect et la considération de ses voisins. Il voulait être un grand homme aussi bien qu'un homme riche. Il voulait l'admiration et la flatterie, le respect et l'estime, non pas des pauvres gens, dont l'estime et l'admiration ne valaient pas la peine qu'on les recherchât, mais des riches squires, ses égaux, ou ses supérieurs par la naissance et la fortune. Il grinça des dents de rage à la pensée de sa honte. Il avait bu à la coupe du triomphe et avait goûté le vin de la vie, et au moment où cette coupe était tout à fait pleine, elle lui avait été arrachée par la main impitoyable d'un ennemi. Noël arriva et fournit à Paul Marchmont une bonne occasion de jouer au gentleman campagnard de l'ancien temps. Qu'est-ce que le prix de deux bœufs, de quelques tonneaux d'ale et d'un wagon de charbon si, par ce sacrifice, le maître des Towers pouvait conquérir l'admiration due à un bienfaiteur public ? Paul donna carte blanche à ses vieux serviteurs et les tentes furent dressées sur la pelouse et les feux de joie monstrueux brûlèrent par un froid piquant, tandis que la populace, qui aurait accepté les bontés d'un nouveau Néron, venant incendier une Rome moderne, buvait à la santé de son bienfaiteur et se réchauffait en avalant autant de bière forte qui lui plaisait. Mrs. Marchmont et sa fille malade aidèrent Paul dans sa tentative pour reconquérir la popularité qu'il avait perdue sur les marges de la terrasse occidentale. Les deux femmes distribuèrent des 1000 carrés de flanelle et de toile à drap à une masse d'avides nécessiteux. Elles donnèrent des manteaux écarlates et des chapeaux aux vieilles femmes. Elles donnèrent une fête insipide sur des principes de tempérance aux enfants des écoles nationales. Ils eurent leur récompense, car les gens commencèrent à dire que Paul Marchmont était après tout un noble personnage, morbleu, et que ce vaurien d'Arundel devait être dans son tort, et que sans doute M. Marchmont avait ses raisons pour ne pas se venger de l'outrage, sans compter une foule d'autres histoires du même genre. Après que les deux bœufs rôtis eurent été distribués, le vent changea complètement. M. Marchmont donna un grand dîner à l'occasion du nouvel an. Il envoya 30 invitations et n'eut que 2 refus. Ainsi donc, de nouveau, la grande salle à manger fut remplie de toutes les notabilités du district, et de nouveau, Paul releva la tête et se réjouit de sa grandeur. Après tout, une distribution de coups de fouet ne peut pas tuer un homme qui possède un beau domaine et 11 000 livres de rente, pourvu qu'il sache se servir de son argent. Olivia Marchmont ne figura dans aucune des fêtes. Son père fut très malade cet hiver-là, et elle passa une bonne partie de son temps au presbytère de Swampington, assise dans le salon de Bertha Randall et lui faisant la lecture. Mais sa présence ne soulagea pas beaucoup le malade, car il y avait quelque chose dans les manières de sa fille qui le remplissait d'une terreur inexprimable, et il passait des heures entières à épier sa pâle figure et à scruter son horrible rigidité. Qu'avait-elle ? Quel était le terrible secret qui avait pu transformer cette femme ? Il se tourmentait perpétuellement avec cette question, mais il ne pouvait imaginer aucune réponse. Il ne savait pas quel pouvoir une passion violente a sur ces femmes fortes, dont l'esprit est fort à cause de son étroitesse, et qui sont les esclaves d'une idée unique. Il ne savait pas que dans un cœur on ne règne aucune affection pure. La passion souveraine fait autant de ravages qu'une flamme dévorante et consume perpétuellement sa victime. Il ne savait pas que dans ces natures violentes et concentrées, la ligne qui sépare la raison de la folie est une démarcation si faible que très peu de personnes peuvent voir le moment où elle est franchie. Olivia Marchmont n'avait jamais été la plus gaie et la plus charmante des compagnes. La tendresse, qui est l'attribut commun de la nature féminine, lui avait été refusée. Elle aurait dû être un grand homme. La nature fait de ses fautes de temps en temps et la victime expie l'erreur. De là viennent des histoires imparfaites, comme celle d'Élisabeth d'Angleterre et de Christine de Suède. Les fers qui enchaînaient la vie étroite d'Olivia avaient pénétré jusqu'à son âme et s'y étaient rouillés. Si elle avait pu être la femme d'Edward Arundel, elle aurait été la femme la plus noble et la plus fidèle qui ait jamais fondu son être en celui d'un autre et vécu à l'ombre de la gloire des triomphes de son mari. Elle eût été une Rachel Russell, une Mrs. Hutchinson, une Lady Nightingale, une Madame de Lavalette. Elle eût été grande en vertu de sa faculté d'abnégation. Il y aurait eu un charme étrange dans l'aspect de cette énergique nature, baissant son ton pour être d'accord avec l'âme de son maître, changeant en mélodie toutes les notes discordantes et en musique parfaite tous les sons aigus. C'est ainsi que dans le drame le plus poétique de M. Buckstone, nous sommes charmés par la chasseresse sauvage qui se couche aux pieds de son maître, et nous l'admirons surtout parce que nous savons que cet homme seul sur terre pouvait l'apprivoiser. Pour quelqu'un qui aurait connu le secret d'Olivia, il n'y aurait pas eu de plus triste spectacle que celui de sa ruine. L'esprit et le corps se détérioraient en même temps, joints qu'ils étaient par une mystérieuse sympathie. Toute rondeur féminine disparut de son corps amaigri, et les vêtements noirs d'Olivia tombaient autour d'elle à plis relâchés. Sa longue chevelure noire était écartée de sa maigre figure et roulée en torsade derrière la tête. Tous les charmes jadis possédés par elle avaient disparu. Les femmes les plus vieilles conservent généralement quelques traits de leur beauté perdue, quelques vagues reflets du soleil couché qui éclairent le doux crépuscule de la vieillesse et brillent même dans l'obscurité de la mort. Mais cette figure de femme ne conservait aucun souvenir du passé, aucune coque vide à flanc démembré par la fureur des flots et jetée sur un rivage désert pour y pourrir, n'a jamais subi de naufrage plus complet que celui de la beauté d'Olivia. Sur sa physionomie et son corps, dans chacun de ses regards et de ses gestes, dans le son de chaque parole prononcée par elle, il y avait quelque chose d'effrayant pire que le sceau de la mort. Peu à peu, l'affreuse vérité se fit jour dans l'esprit d'Herbert Arundel. Sa fille était folle. Il le sut, mais il garda par-devers lui l'horrible conviction, le hideux secret, qui pesait sur lui comme un fardeau réel. Il garda le secret, car il l'aurait regardé comme la plus cruelle des trahisons envers sa fille d'avouer sa découverte à une créature vivante, à moins que cela ne fût absolument nécessaire. En attendant, il se mit à surveiller Olivia, la gardant au presbytère une semaine entière à la fois pour la voir dans toutes ses humeurs, dans toutes ses phases. Il trouva qu'il n'y avait pas de preuves violentes ou inconvenantes de cette ruine mentale. L'esprit avait cédé sous une pression perpétuelle de la même série de pensées. Herbert Arundel, dans son ignorance des secrets de sa fille, ne pouvait découvrir la cause de sa décadence. Mais cette cause était très simple. Si le corps est une machine merveilleuse et complexe, avec laquelle il ne faut pas jouer, à coup sûr l'esprit, cette machine bien plus complexe encore, nécessite un traitement soigneux. Si tel était le régime et fatal à la santé du corps, un certain ordre de pensée ne peut-il pas aussi être fatal à la santé de l'esprit? Et le retour constant des mêmes idées ne peut-il pas lui nuire plus que tout le reste? Lorsque, en raison du genre particulier de son travail, un homme se sert d'un membre ou d'un muscle plus fréquemment que des autres, d'étranges bosses apparaissent comme une manifestation de ce mauvais traitement. Les autres membres se dessèchent, et l'harmonieuse perfection de la nature fait place à la difformité. Ainsi, le cerveau perpétuellement comprimé, constamment tendu au possible par une ennuyeuse succession de pensées, se courbe, n'a plus qu'un côté, penche toujours de la même manière et fait broncher continuellement le misérable penseur. La veuve de John Marchmont n'avait qu'un seul ordre d'idées. Sur tout sujet, excepté celui qui traitait d'Edward Arundel et de son sort, sa mémoire s'était affaiblie. Elle faisait à son père les mêmes questions, banales questions ayant trait à son bien-être ou à de simples détails de ménage, 20 fois par jour, oubliant sans cesse qu'il lui avait répondu. Elle avait, relativement au passage du temps, cette impatience qui est l'un des symptômes les plus pénibles de la folie. Elle regardait sa montre 10 fois par heure et errait dans le jardin désolé, indifférente au mauvais temps, pour regarder le cadran du clocher de l'église, sous l'impression que sa montre et celle de son père et toutes les pendules de la maison retardaient. Elle était parfois agitée, commençant une chose après l'autre, pour tout jeter de côté avec impatience, et parfois aussi, elle restait immobile des heures entières. Mais comme elle n'avait jamais été violente, jamais déraisonnable en aucune façon, Albert Arundel ne se sentait pas le courage d'appeler la science à son aide et de trahir le secret de sa fille. La pensée que la maladie d'Olivia pouvait être guérie ne lui vint jamais à l'esprit comme chose possible. Il n'y avait rien à guérir, aucune illusion à dissiper par un traitement médical, aucune divagation violente à reformer par des drogues et des remèdes brevetés. La puissante intelligence avait décliné, sa force et sa clarté avaient disparu. Aucune drogue terrestre ne pouvait lui rendre ce qu'elle avait perdu. C'était là la conviction qui faisait garder le silence au recteur. C'eût été pour lui une angoisse indicible que d'avoir à confier le secret de sa fille à n'importe quelle créature vivante. Mais il aurait enduré cette douleur s'il avait pu être profitable à Olivia. Il croyait fermement que tout serait inutile et que le mal était irrémédiable. « Ma pauvre fille, se disait-il, comme j'étais fier d'elle il y a 10 ans, je ne puis rien pour elle, rien excepté l'aimer et la chérir et la mettre à l'abri des humiliations du monde. » Mais Herbert Arundel n'eut pas même le pouvoir de rendre ce service à la fille qu'il aimait. Car lorsqu'Olivia eut été avec lui un peu plus d'une semaine, Paul Marchmont et sa mère vinrent un matin à la cure de Swampington et l'emmenèrent avec eux. Le recteur vit alors pour la première fois que sa fille, jadis si forte d'esprit, était complètement sous l'empire de ces deux personnes, et qu'elle connaissait la nature de sa maladie aussi bien que lui. Il s'opposa à son retour aux Towers, mais sa résistance fut inutile. Elle se soumit elle-même volontairement à ses nouveaux amis, en déclarant qu'elle était mieux dans leur maison que partout ailleurs. Elle revint donc occuper ses anciens appartements. Sa vieille servante Barbara la servit de nouveau. Elle restait assise dans le cabinet du défunt John Marchmont, écoutant les vents de janvier qui sifflaient dans le quadrangle, les grôles qui s'appelaient au loin parmi les branches nues des peupliers, le bruit des portes dans le corridor et les éclats de rire qui s'échappaient parfois de la porte ouverte de la salle à manger, tandis que Paul Marchmont et ses convives souhaitaient gaiement la bienvenue à la nouvelle année. Pendant que le maître de Towers ressaisissait sa grandeur et faisait d'incroyables efforts pour reconquérir le terrain perdu, Edward Arundel errait au fond de l'Angleterre, voyageant à pied et se familiarisant avec les simples paysans qui ignoraient ses chagrins. Il avait renvoyé Morrison à Dangerfield avec la plus grande partie de son bagage, mais il n'avait pas eu le cœur d'y aller lui-même, de sitôt. Il redoutait la sympathie de sa mère, et il parcourait les villages bretons pour essayer de se guérir de son grand chagrin avant de recommencer la vie comme soldat. Il était inutile pour lui de lutter contre sa vocation. La nature l'avait fait soldat, et pas autre chose, et partout il y avait une bonne cause à défendre, sa place était sur le champ de bataille.